Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, c'est malade qui nous gouverne. En dépit du fait qu'on s'inquiète avec une sollicitude qui m'honore, même dans les premières pages encore, du fait que je suis peut-être plus capable de rien, inquiétez-vous pas, on verra aux élections. Décembre 1984, bien qu'il s'en défende devant les journalistes, René Lévesque est un homme malade. Et dans les mois qui vont suivre, les choses ne s'amélioreront pas. Irascible, agressif, violent même, René Lévesque vit une dépression profonde qui va le conduire à l'hôpital. Il n'est qu'un de ces très nombreux malades qui nous gouvernent, pour reprendre le titre du désormais célèbre ouvrage d'Akos et Rentschnick. Gilles Laporte, vous enseignez l'histoire du Canada au Cégep du Vieux-Montréal à l'Université du Québec à Montréal. Bonsoir. Hey, bonsoir. Bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire. Le cas de René Lévesque, c'est un cas assez rare, en fait, dans la mesure où cette maladie, elle est très visible. Il la nie au début, on vient de l'entendre encore, mais on va voir, et ça c'est rare, que la maladie soit si présente, soit si publique, on va le voir dépérir sous nos yeux. Oui, littéralement. La vérité, c'est le déni. On est à une époque où la maladie relève strictement de l'univers privé. C'est impudique et c'est disgracieux à la limite. Alors, par conséquent, l'évêque est soumis à ce tabou. Évidemment, il arrive de moins en moins à le cacher. L'homme avait donné le meilleur de lui-même lors de la Révolution tranquille, la nationalisation de l'électricité, l'équipe du tonnerre. On le retrouve fondateur du Parti québécois. Bref, lorsqu'il arrive au terme de son premier mandat, épuisé par la crise constitutionnelle de 1982, la terrible crise économique qui va suivre également, l'homme est rompu. Il va sombrer dans l'alcool, bien sûr, mais aussi dans la dépression profonde. Il est atteint aussi de problèmes cardiaques qu'il n'avouera jamais, au point que ce n'est qu'à l'autopsie, lors de sa mort, qu'on va découvrir qu'il avait eu plusieurs crises consécutives sans même en parler à ses proches. Dépression, donc, au terme du deuxième mandat de René Lévesque, avec évidemment des épreuves importantes, vous le disiez, crise économique, bras de fer avec le secteur public, la crise constitutionnelle. Mais cet épisode de dépression où il devient carrément violent, ses gardes du corps vont le ramener à l'ordre. C'est pour lui, c'est le début de la fin comme politicien, là, assez nettement. En fait, c'est son entourage le sent. La politique est un milieu très darwinien, vous savez, c'est-à-dire qu'il y a peu de place pour ceux qui traînent de la patte et qui ne sont pas à la page. Son entourage s'en rend compte, c'est ministre au premier titre. Et lorsque l'évêque va commencer, bien sûr, à avoir des problèmes de vie personnelle, des accidents de la route, à répétition, ce qui se produit, c'est en fait qu'on prépare sa succession. Mmh. Et autour de lui, on voit poindre l'éventualité d'un beau risque avec le nouveau gouvernement Mulroney. On sent que l'évêque vacille et ça va être la crise. La crise qui va déchirer le Parti québécois, mais avec lui, tout le gouvernement. 7 ministres vont démissionner. Ça, c'est son choix du beau risque qui provoque ces démissions. Mais ce que j'entends, c'est que vous me dites, s'il avait été plus d'aplomb, moins affecté sur le plan de la santé, il aurait pu peut-être gérer autrement cette crise-là? La preuve, c'est qu'il n'a pas arrêté de le faire depuis qu'il est à tête du Parti québécois. Le Parti québécois a été essentiellement un trouble-fête. L'évêque a eu souvent à menacer de démissionner, à mettre son poing sur la table, comme on dit, à prendre la parole. Et, bref, à plusieurs occasions, il a eu à le faire. Il n'en est plus capable au milieu de 1983-84. Il n'arrive plus à juguler les tensions au sein de son parti. Ça va être la crise, ça va être l'échec de son gouvernement. Et il va devoir laisser tomber dans des conditions pitoyables. Le Québec est affaibli par la crise constitutionnelle et est affaibli maintenant par un premier ministre dysfonctionnel. Et la suite, donc, ce sera donc le départ de René Lévesque, Pierre-Marc Johnson qui lui succède et Robert Bourassa qui revient et qui vraiment remporte assez facilement le pouvoir. Bourassa qui aussi sera affecté par la maladie, mais cette fois-là, contrairement à René Lévesque, dans la plus grande discrétion, il s'en confesse, il en parle en fait quelques années plus tard avec Jacques Godbout de sa maladie. Il invoquera la raison d'État. Écoutez-là, c'est fascinant. On est à l'été 90. Il vient d'apprendre qu'il a un cancer et qu'il doit être opéré de manière urgente. Mais il ne peut pas partir. Raison d'État, dit-il à Jacques Godbout. J'étais très, très préoccupé par le dénouement de la crise. Tout ce temps-là, tu savais, toi, que tu devais subir une opération? Oui, ça, je l'ai su au début d'août. Bon, j'avais cette tache brune-là que j'ai laissée grossir par une négligence assez impardonnable. Et au début d'août, on m'a dit que c'était un mélanome. Et assez avancé. Je savais pas trop, là, à ce moment-là, ce que ça voulait dire, mais... Mélanome ne fait pas partie de notre vocabulaire. Non, c'est pas... Mais je me suis dit, bon, c'est grave? Il a dit oui. Alors là, ils m'ont examiné, puis ils ont dit... ça s'est étendu au ganglion. Ils ont pris une prise de sang ou les ganglions, puis ils ont dit ça s'est étendu au ganglion, et là, c'est sérieux. Il faudra vous faire opérer le plus rapidement possible. Et on souhaite vivement que ça se fasse ailleurs. On connaît un endroit à Washington, mon médecin va étudier là. Parce que la pression sur vous, comme sur nous, en pleine crise autochtone, va être considérable. Puis sur le plan politique, c'était pas tellement bon non plus que le commandant-chef se retrouve sur un lit d'hôpital. Ça donnait l'impression que le gouvernement t'a démoli. Mais j'ai pas voulu, et je ne pouvais pas. Les gens disent quand même la santé, mais je ne pouvais pas quitter dans les circonstances qui existaient au Québec, c'est-à-dire quand le pont Mercier était bloqué, puis qu'il y avait des affrontements, et que 100 000 personnes ne pouvaient pas aller travailler normalement. Alors, Gilles Laporte, la maladie l'affecte, Robert Bourassa, dans cette crise de com, et il reste. La maladie qui va l'affecter aussi, qui va peut-être diminuer sa capacité de négocier ce fameux accord de Charlottetown. Il y a deux exemples, en tout cas, dans le cas de Bourassa, là, où assez clairement il y a un lien entre la maladie et la manière dont il peut gérer l'État québécois. On a deux types qui se ressemblent, hein? Deux pionniers de la Révolution tranquille, deux qui avaient donné le meilleur d'eux-mêmes auparavant et deux qui sortaient justement d'une grande crise. L'Évêque et Bourassa. Ben voilà, évidemment, c'était la saga du lac Meech qui avait embrasé le Canada de 86 à 90 et qui avait épuisé Bourassa. Il se retrouve brutalement devant la crise de Là, il y a une différence qui s'inscrit entre les hommes, plutôt deux. La première, c'est la crise d'Oka. C'est essentiellement la personnalité. D'un côté, vous avez une hygiène de vie prétendue et irréprochable, celle de Robert Bourassa, qu'on le présentait comme quelqu'un qui avait un mode de vie sain, qui buvait son verre de lait, et l'évêque ne s'est jamais caché de ses mauvaises habitudes de vie. Première chose, il arrive mieux à cacher des symptômes, ou à peut-être davantage de pudeur. Deuxième élément, vous avez noté dans l'extrait, l'image. L'image du gouvernement, elle est essentielle. L'évêque avait moins ce souci-là de paraître, et davantage de transparence. Bourassa lui apporte une importance cruciale à l'image que le gouvernement donne aux yeux de la population et surtout l'idée, encore une fois, ce vieux modèle masculin, cacher la maladie qui est un symptôme de dysfonction qui n'est pas souhaitable. Alors, on se retrouve vraiment dans un type qui va absolument sauver les apparences. Lors de la crise d'Oka, il est relativement discret. Il laisse son ministre John Chatia prendre le devant de la scène, ce qui est assez rare chez les libéraux. Et ça ne va pas s'améliorer ensuite. Ça va être les négociations de Charlottetown. Et là aussi, on va lui reprocher d'être absent, d'avoir ses absences. Alors que l'évêque avait des sauts d'humeur, était éruptif, Bourassa s'est plutôt effacé au fur et à mesure. La mort de M. Paul Sauvé survient à l'aube d'une nouvelle année. Une tragédie qui laisse le Québec dans le deuil. L'ancienne demeure du docteur Chénier a constitué le centre d'attraction de nombreux curieux et amis dès que la nouvelle du décès de M. Sauvé a été révélée au public. Les ministres qui se trouvaient en dehors de la métropole ont pris les moyens de transport les plus rapides pour atteindre Montréal et Saint-Eustache. Les uns ont pris l'avion, les autres l'automobile. Tous sont encore sous l'effet de la surprise et de l'immense tristesse qu'entraîne la mort de leur chef et ami. Tous se demandent encore s'ils doivent y croire. Son adjoint administratif, M. Fernand Desty, a déclaré qu'à son avis, le chef du gouvernement s'est tué à force de travail. Et c'est d'ailleurs l'opinion qu'ont exprimé tous les collaborateurs du défunt. Alors là, c'est absolument... ça sort de l'ordinaire. On est dans... je suis pas certain qu'on ait vu ça jamais nulle part ailleurs dans le monde. Paul Sauvé, qui meurt en janvier 60, quelques mois. Donc, qui est premier ministre en exercice. Il vient de remplacer Maurice Duplessis, premier ministre en exercice de l'Union nationale, qui meurt en 59. Deuxième mort. Et en fait, l'Union nationale va vivre en moins de 10 ans le décès de 3 chefs, de 3 premiers ministres en exercice. Et dans le cas de Paul Sauvé, on peut penser que ce fameux renouveau que va incarner Jean Lesage et les libéraux qui seront élus en 60... Paul Sauvé, peut-être, aurait pu incarner ce renouveau-là, c'était l'homme du désormais. S'il n'était pas mort, peut-être que l'histoire aurait été différente. Mais pour Duplessis, on s'y attendait un peu. Du moins, voyait-on la mort comme l'issue normale d'un chef d'État qui ne voulait pas quitter, qui était accroché au poste de premier ministre depuis 1944. Alors que Paul Sauvé surprend. C'est-à-dire qu'il est le jeune, il a toujours été associé à la jeunesse au sein du parti. Il a 52 ans, il était ministre délégué à la jeunesse, il est beau, il est dynamique. Il a toujours été destiné à succéder à Duplessis. Et là, tout à coup, brutalement, au lendemain du jour de l'an, le 2 janvier 1960, alors qu'il vient de lancer apparemment son désormais annonce d'un grand train de réformes qui aurait pu faire... Le duplessisme, c'est fini, même sous l'Union nationale avec Paul Sauvé. La révolution tranquille aurait pu être unioniste, suggérait-on à l'époque. Alors donc, c'est aurait-il pu battre le Sage? Bien sûr. D'ailleurs, il faut voir les résultats du 22 juin 1970. C'est bien sûr Antonio Barrette qui va succéder à Sauvé. Antonio Barrette n'a pas l'ombre du charisme de Sauvé. Il était peu connu, peu habile en politique, mais il a quand même fait un très bon score en juin 1960. La victoire de Jean Lesage était relativement accidentelle et aurait pu se dérouler tout à fait autrement. Du moins, ça le laissait entendre. Paul Sauvé était présenté comme étant un individu d'avenir. On le voyait même à la tête du Canada à l'époque. Ça se terminera pas là pour les unionistes, ils reprennent le pouvoir en 66 avec Daniel Johnson père, son fameux égalité ou indépendance, mais le sort s'acharne sur ce parti-là. Septembre 68, il meurt. Trois chefs, trois premiers ministres en moins de 10 ans. Est-ce que c'est ça qui a conduit finalement, pas tout de suite, mais à la mort du parti? Indéniable. Daniel Johnson a encore une image de jeunesse. Il avait eu un premier accident cardiaque en juillet 1968 et était voyagé aux Bermudes, se croyant guéri. Hein. Il revient, il est bronzé, en forme, et il meurt subitement, on le sait, dans des circonstances dramatiques, alors qu'il inaugure la centrale Manicouagan sur la côte nord du Québec. Indéniable que c'est encore quelqu'un qui promettait beaucoup. Rappelez-vous, vive le Québec libre du général de Gaulle, l'affrontement contre Pearson à Ottawa. On le voit... égalité ou indépendance. La souveraineté association aurait pu être un projet unioniste. Sans dire, bien sûr, que tout cela aurait pu se dérouler autrement. Il n'y a pas de doute que ce parti-là a inauguré, par le biais de Sauvé, puis ensuite de Johnson, des idées que d'autres partis, notamment le Parti québécois, allaient porter. Alors, c'est indéniable qu'il c'est mort accidentelle, impondérable, causée par souvent des problèmes d'habitude de vie, ou peu importe. Johnson fumait jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour, ont profondément modifié l'histoire. Enfin, bon, en avant, on se retrouve dans les années 80 avec le cas de Gérald Godin, qui est intéressant, poète, Gérald Godin, qui... peut-être sera le premier à parler ouvertement de sa maladie. On écoute un extrait d'une entrevue de Gérald Godin. En 84, vous avez subi une opération dont on a beaucoup parlé. Vous êtes allé au fond de la détresse, du désespoir presque à certains moments. Parce qu'on perd la mémoire dans ces moments-là, hein, à cause de l'éther qu'on donne pour endormir, à cause des pilules qu'on prend en grande quantité. On oublie tout. Et on perd la mémoire, effectivement, beaucoup, mais c'est une expérience fantastique de perdre la mémoire quand ça revient. Parce qu'on mesure à quel point on est fragile et aussi à quel point c'est fou, la vie. C'est un désordre constant, la vie. Et la maladie nous apprend que c'est un désordre. Et la maladie nous montre le désordre du monde, des planètes, des étoiles. C'est un désordre, au fond. Et donc, la maladie nous ramène à l'expérience vécue dans notre propre chair du désordre. Et donc, donne beaucoup d'humour. Je n'ai jamais autant ri qu'en tombant en bas de mon lit parce que je n'avais plus d'équilibre. Ou en étant incapable de faire un nœud de cravate ou en mettant mon manteau à l'envers et puis pas la bonne manche, pas du bon côté. Comment vous voyez cette expérience-là maintenant? Ben, deux jours, j'ai découvert autour de moi donc la bonté. De mes amis qui sont venus me voir parce qu'ils se disaient « Qu'est-ce qui se passe avec Godin? On va-tu le perdre? » Je me suis dit moi-même « Je vais peut-être disparaître. » Donc, ça m'a amené à décider de faire des choses que j'avais dit que je ferais plus tard, les faire plus vite. Parce que il faut se dire que la vie est plus courte qu'on pense. Ma conclusion, c'est ça personnellement, c'est que j'ai voulu faire au plus coupant, ou comment dire, d'ordre, au plus crisse, que je voulais faire plus tard parce que je me dis plus tard, je ne serai peut-être plus là. Donc, il faut le faire dès maintenant, ce qu'on veut faire étant vieux. Parce que vieux, on l'est maintenant. Gérald Godin qui parle ouvertement de sa maladie, c'est un virage pour un homme politique. Probablement, est-ce qu'on peut dire, c'est toujours un peu délicat, mais que ça va même lui profiter, il va être réélu alors que le Parti québécois en 85 subit une vraie dégelée. Un poète, politicien, déjà quel paradoxe, qui change peut-être l'histoire par son rapport à la maladie. Les politiciens qui l'avaient précédé étaient de cette époque où la maladie est associée à une forme de honte. Tout à coup, on a une forme nouvelle de coming out, un coming out postmoderne qui est l'équivalent de l'époque où on révèle son orientation sexuelle. On peut considérer que c'est de cet ordre-là. Non seulement il le fait avec des termes sensibles en parlant de ses émotions, de son corps. La part d'un homme à l'époque, c'est une révolution. À part d'un politicien, ça l'est encore davantage. Parce que c'est, à la limite, il invite ses électeurs à un exercice d'empathie. Il leur parle d'une manière différente, non plus pour les impressionner ou les convaincre, mais simplement les inviter à eux aussi. Il convient à une réflexion. Ça va avoir des conséquences déterminantes. Il va demeurer ce personnage très apprécié au centre-ville de Montréal, dont la mémoire est chérie encore aujourd'hui. C'est indéniable que c'est un changement qui allait avoir des conséquences par la suite. Plus près de nous, Gilles Laporte, le cas de Jack Layton, on l'écoute au moment où il annonce en juillet 2011 qu'il se retire de la direction du nouveau Parti démocratique. Lors des derniers jours de la dernière session parlementaire, j'ai ressenti de l'inconfort et de la douleur. Après l'ajournement, j'ai passé une série d'examens à l'hôpital Princesse Margaret de Toronto. La lutte contre mon cancer de la prostate va bien. Cependant, j'ai reçu des résultats des autres examens la semaine dernière. Ces examens ont démontré que je souffre d'un nouveau cancer. Pour traiter cette nouvelle maladie, je devrais suivre de nouveaux traitements. Je vais donc suivre l'avis de mes médecins. Toute mon attention se portera désormais sur mes traitements. Mon rétablissement devient ma priorité. J'annonce aujourd'hui que je cesserai temporairement d'occuper mes fonctions de chef de nouveau Parti démocratique du Canada. Beaucoup de choses à dire sur le cas de Jack Layton. D'abord, il est malade. Il est déjà malade au cours de la campagne électorale du printemps 2011, avant l'extrait qu'on vient d'entendre. Quel rôle va jouer sa maladie dans cette immense capitale de sympathie dont il va jouer au Québec, entre autres? Et puis, la question qui va suivre, quand il révèle l'ampleur de sa maladie, qu'est-ce qu'il savait? A-t-il tout dit pendant la campagne électorale de 2011? Cette question-là est sensible. Hein? À travers l'histoire, il y a des tas de chefs d'État, Roosevelt, par exemple, durant la guerre, qui avaient un cancer, qui le savaient, mais qui ne l'ont pas annoncé pendant les élections. Est-ce qu'on devrait avoir l'obligation de divulguer son dossier médical? Dans le cas de Layton, on a droit à plus que cela. Derrière le pudique des raisons personnelles, on a tout à coup droit à son bilan de santé. Il donne même des données assez exactes à propos de son état de santé. C'est nouveau. On voit à quel point l'exemple de Godin avait ouvert un nouveau paradigme. D'une part, et donc, il constate désormais que ses électeurs ont droit à cette transparence-là. Il inaugure aussi, bien sûr, les politiciens avec une canne. Et c'est ça dont les gens vont se souvenir durant la campagne de 2011. On sait qu'il est atteint du cancer les journalistes le suivent avec une déférence particulière. Il y a une attention qui est attirée. Bien sûr que jamais il a tenté d'en tirer profit, mais c'est indéniable que c'est un élément contextuel qui aura compté et qui, à sa manière, aura changé l'histoire, faisant en sorte que le NPD remporte 102 sièges quand même et devient l'opposition officielle en 2011. Vous parlez de canne. De fait, quelqu'un le précède avec une canne. Lucien Bouchard, dernier exemple pour ce qui est de la scène canadienne dont on va parler. Peut-être le plus spectaculaire de tous cet exemple, cette terrible maladie de Lucien Bouchard. Le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, lutte pour sa vie. Il repose toujours dans un état critique à l'hôpital Saint-Luc de Montréal après avoir subi l'amputation de la jambe gauche hier. Toute la nuit, plusieurs personnalités se sont rendues aux abords de l'hôpital pour s'enquérir de son état de santé et livrer leurs impressions sur le choc causé par la nouvelle de sa maladie. M. Bouchard avait été admis mardi à l'hôpital pour une phlébite, mais des complications qui seraient attribuables à la bactérie dite « mangeuse de chair » ont forcé les médecins à faire l'amputation. Bon, cette période-là, moi j'ai un souvenir encore très vif de ça, certains auditeurs certainement aussi, cette période où Lucien Bouchard balance entre la vie et la mort, c'est un moment très, très fort, c'est un moment collectif très, très fort. On entend tous la voix de M. Archambault, c'est effectivement, j'en suis très ému moi-même. Un moment, encore une fois, tragique de l'histoire du Québec et du Canada. Hein? On l'a vu, l'évêque, c'est pas à n'importe quel moment. C'est tout de suite à l'échec constitutionnel. Bourassa avait vécu ça au lendemain de l'échec du Lac-Mich. Là, on se retrouve en crise constitutionnelle qui précède le second référendum sur la souveraineté de 1995. Le décor est placé pour que la maladie influence encore le cours de l'histoire. Dans quelle mesure? Certainement par un immense courant de sympathie. Le Québec entier est au chevet de M. Bouchard, qui se bat contre une maladie horrible, monstrueuse, que personne ne connaissait et qui, tout à coup, place le dossier médical à l'avant-scène de la scène politique. Le chef du Bloc québécois va en sortir transformé. On craint, par exemple, qu'il se retire complètement. Pendant des mois, on va être suspendu à ses lèvres. Reprend-il du courage? Et avec lui, on dirait que c'est le Québec entier qui est en convalescence, attendant de voir quelle va être la suite. La suite, bon, on la connaît. Ça va être la campagne incroyable qu'il va mener dans le camp du oui pour le référendum. Ça va avoir... il y aura un lien. La campagne arrive tout de suite après. Il est évidemment un orateur, il est éloquent. On se souvient de ses discours au cours de la campagne de 95, mais il y a juste avant cette maladie, ce combat pour la survie, cette figure presque héroïque. Là. C'est dans cet état-là qu'il arrive dans la campagne référendaire, non? Et sûr, il est d'abord celui qui a surmonté un drame personnel et qui, par métaphore, invite son peuple à un même exercice de, comment je pourrais dire, d'abnégation et de résilience. Et ça aura de l'effet jusqu'à nos jours, hein, parce que désormais, la faiblesse des individus, pour la condition masculine, autant que la condition politicienne, c'est une révolution. Avec Bourassa, qui avait scrupuleusement caché, pudiquement caché ses problèmes de maladie jusqu'à Lucien Bouchard, on se retrouve dans un total autre contexte où désormais la maladie devient une forme de réalisation, une forme de nouvelle étape dans la vie qui permet, dans le cas de Bouchard, pratiquement d'accéder à une nouvelle forme de sagesse, dirait-on. Ouais. Une espèce de valeur exemplaire d'une certaine manière. Leçon de vie, on revient à ce qu'on a entendu un peu plus tôt, cet extrait de Gérald Godin, il y a de ça là-dedans. Il y a une, si vous me permettez l'expression, de peopleisation de la politique. De plus en plus, la vie privée et vie publique sont mêlées. On entend les tranches de vie des individus. La maladie en fait partie pour le meilleur et pour le pire. Désormais, les individus abordent les candidats comme chefs d'État comme des personnes globales qui ont des vies privées parfois tonitruantes ou bien des problèmes de santé discrets. Pour l'essentiel, désormais, ça compte pratiquement autant dans les boîtes de scrutin que les programmes électoraux. Gilles Laporte, historien, enseignant au Cégep du Vieux-Montréal et à l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci de cette entrevue. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire, Mathieu Beauchamp à la réalisation, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherchistes aux archives Mario Bolduc, à la technique Dominique Beaudoin. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.